Deuxième partie, chapitre 9e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 9e, des sécheresses de l'esprit dans la méditation. Si vous ne trouvez pas de goût à la méditation, et que vous n'en sentiez pas votre âme consolée, ne vous troublez pas, filotez, et tâchez à vous bien servir des observations suivantes. Faites quelques-unes de ces prières vocales, qui sont les plus douces à votre cœur. Plaignez-vous amoureusement à Jésus-Christ. Appelez-le à votre secours. Baisez respectueusement son image, si vous l'avez. Confessez votre indignité, dites-lui comme Jacob, « Quoi qu'il en soit, Seigneur, je ne vous quitterai point que vous ne m'ayez donné votre bénédiction. » Ou, comme la Cananée, « Oui, Seigneur, je suis une chienne, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Prenez quelquefois un livre et le lisez dévotement jusqu'à ce que vous ayez donné plus d'attention et une meilleure situation à votre esprit. Excitez votre cœur le plus vivement que vous pourrez par quelque acte extérieur de dévotion. Vous prosternant à terre, croisant les mains sur la poitrine, tenant entre vos bras un crucifix. Je suppose que vous n'êtes en présence de personne. Si, après cela, vous vous trouvez dans une égale sécheresse, ne vous en troublez pas encore. Mais continuez de vous tenir en la présence de Dieu avec beaucoup de respect. Vous le savez, combien y a-t-il de courtisans qui vont 100 fois l'année à la cour, sans aucune espérance de parler au prince, mais seulement pour être vus de lui, pour lui rendre leur devoir, et, comme nous disons, pour faire leur cour. Allons ainsi, filoter, à la sainte oraison avec une simple et fidèle vue de notre devoir. S'il plaît à la divine majesté de nous y parler par ses inspirations et de nous y donner en même temps de quoi lui parler, ce nous sera assurément un grand honneur et un délicieux plaisir. Mais s'il ne daigne pas nous faire cette grâce et qu'il nous laisse là sans nous parler, non plus que s'il ne nous voyait pas ou que nous ne fussions pas en sa présence, nous ne devons pas pourtant en sortir. Au contraire, nous devons y demeurer avec attache, avec un grand respect et dans une douce tranquillité d'esprit. Alors notre patience et notre persévérance nous feront trouver grâce devant ses yeux, tôt ou tard. Et quand nous reviendrons la première fois devant lui, il nous recevra avec un regard favorable. Il entrera dans le saint commerce de la méditation avec nous et nous y fera goûter par ses consolations toute la suavité de son esprit. Mais, quand cela nous manquerait encore, contentons-nous, Philotée, de l'honneur que nous avons d'être auprès de lui et présents aux yeux de son adorable majesté. Fin du chapitre 9e. Deuxième partie.